Othon, de Pierre Corneille. Une réalisation de Michel Sidorov. Othon demeure encore une tragédie peu connue dans l'œuvre de Corneille. Publiée en 1665, elle appartient à la période dite de décadence de Pierre Corneille. C'est une période difficile pour l'auteur, marquée par de nombreux échecs, par quelques succès, et surtout par des attaques souvent très dures de la critique, en particulier de la part de Boileau et de Fontenelle. Après l'échec de Pertharite en 1651, Pierre Corneille renonce au théâtre. Il se rapproche de la religion, mais revient au théâtre avec Édipe en 1659, tragédie dédiée à Fouquet, qui est un succès. À partir de 1662, avec Sertorius, Corneille met en scène la tragédie de la politique. C'est une suite de pièces austères, au verbe quelque peu rugueux, qui empruntent ses sujets aux périodes les plus troubles de l'Empire romain, marquées parfois par l'irruption sur la scène politique des princes barbares comme Attila. Les intrigues politiques y sont violentes, le ton en est volontiers acerbe, ironique, et le langage de l'héroïsme, qui fut celui des grandes pièces de l'auteur, comme le Cid, Horace ou Cinna, semble se défaire, se déstructurer. On connaît l'épigramme cruel de Boileau sur Agésilas et Attila. Après l'Agésilas, hélas, mais après l'Attila, hola. Othon, considéré à juste titre par Maurice Ratt comme la plus cérébrale de ces tragédies politiques, connaît un grand succès auprès des personnalités politiques lors de sa création à Fontainebleau le 3 août 1664 par la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. On estimait alors que Corneille était le bréviaire des rois. Mais sa seconde représentation, 3 mois plus tard, à l'Hôtel de Bourgogne, provoqua une certaine déception. Boileau, dans son art poétique, devait, en convint-il, penser à Othon en écrivant « Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir un spectateur toujours paresseux d'applaudir et qui, des vains efforts de cette rhétorique, justement fatigué, s'endort ou vous critique. » La pièce ne fut jouée que 30 fois à la Comédie-Française, de 1682 à 1708, puis jamais plus, jusqu'en 1975, année où Jean-Pierre Miquel la mit en scène au Théâtre de l'Odéon. Les cinéastes Jean-Marie Straub et Daniel Huillet en firent une étrange réalisation en 1969, à Rome, en costume romain et en son direct, sur une des collines de la ville, au-dessus de la rumeur moderne de la circulation. Leurs interprètes, étrangers pour un certain nombre et comédiens pour quelques-uns seulement, disaient les vers de Corneille en dehors de toute prosodie et d'une manière très éloignée de la rhétorique cornélienne. Othon, en particulier, donnait son texte avec une rapidité extrême, comme un personnage soucieux de dissimuler sa pensée. Cette tentative a été jugée comme un contresens par les connaisseurs de la littérature du XVIIe siècle. L'argument d'Othon est tiré des récits de Suétone et de Tacite. Othon fut un empereur éphémère, en 69 après Jésus-Christ, dans la période dite des quatre empereurs, qui de 68 à 69 va de Néron, le tyran décadent, à Vespasien, l'empereur bourgeois. Dans la pièce, Galba, qui a réussi à éliminer Néron, est un vieil empereur sans héritier. Il hésite entre Pison, qu'il finira par adopter, et Othon. Tout autour de Galba s'agitent les intrigants, Lacus et Marcian, qui sont du parti de Pison, et Vinius, qui soutient Othon. Othon fut un compagnon de débauche et le complice de Néron. Il fut exilé pour avoir trop aimé Poppée, elle-même enlevée par Néron. Envoyé en Lusitanie, Othon fut néanmoins un administrateur mesuré, apprécié pour son sens de l'État. Ambitieux, mais disposant de peu d'appui, Othon s'est mis sous la protection de Vinius. Sur cette situation, Corneille a greffé une intrigue amoureuse dans laquelle Othon hésite entre Plotine, fille de Vinius, et Camille, nièce de Galba. Voici l'adresse au lecteur que Corneille écrivit pour sa pièce. Si mes amis ne me trompent, cette pièce égale ou passe la meilleure des miennes. Quantité de suffrages illustres et solides se sont déclarés pour elle. Et si j'ose y mêler le mien, je vous dirai que vous y trouverez quelque justesse dans la conduite et un peu de bon sens dans le raisonnement. Quant au vers, on n'en a point vu de moi que j'ai travaillé avec plus de soin. Le sujet est tiré de Tacite, qui commence ses histoires par celle-ci, et je n'en ai encore mis aucune sur le théâtre, à qui j'ai gardé plus de fidélité et prêté plus d'invention. Les caractères de ceux que j'y fais parler y sont les mêmes que chez cet incomparable auteur, que j'ai traduit tant qu'il m'a été possible. J'ai tâché de faire paraître les vertus de mon héros en tout leur éclat, sans en dissimuler les vices, non plus que lui. Et je me suis contenté de les attribuer à une politique de cour, où quand le souverain se plonge dans les débauches et que sa faveur n'est qu'à ce prix, il y a presse à qui sera de la partie. J'y ai conservé les événements et pris la liberté de changer la manière dont ils arrivent pour en jeter tout le crime sur un méchant homme qu'on soupçonna dès lors d'avoir donné des ordres secrets pour la mort de Vinius, tant leur inimitié était forte et déclarée. Othon avait promis à ce consul d'épouser sa fille, s'il le pouvait faire choisir à Galba pour successeur, et comme il se vit empereur sans son ministère, il se crut dégagé de cette promesse et ne l'épousa point. Je n'ai pas voulu aller plus loin que l'histoire, et je puis dire qu'on n'a point encore vu de pièce où il se propose tant de mariages pour n'en conclure aucun. Ce sont intrigues de cabinet qui se détruisent les unes les autres. J'en dirai davantage quand mes libraires joindront celle-ci au recueil qu'ils ont fait de celles de ma façon qui l'ont précédée. Peu jouée et même longtemps oubliée, Othon est une pièce encore mal comprise. Sa complexité politique attire autant qu'elle déroute. Le vers, qui a perdu tant de grâce pendant la période de décadence de Corneille, retrouve pourtant ici une grande force, une densité poétique si brûlante qu'elle peut être dangereuse pour qui s'en approche avec pour seul souci d'y trouver des échos de situations politiques plus ou moins contemporaines. Certes, il y a des jugements politiques souvent sévères dans la pièce. Ainsi, les paroles méprisantes de Plotine, adressées à l'ancien esclave Marcian, donnent lieu à une réponse cinglante de l'intéressé. Mais comme pour tous ces auteurs du XVIIe siècle, c'est d'abord sur le plan moral qu'il convient de placer la pensée de l'auteur. Il transpire de cette pièce une morale de respect de l'État et du plus grand nombre, et aussi un sentiment mélancolique de vanité des intrigues et de la course au pouvoir. Les intrigues se détruisent les unes les autres, et Othon accédera au pouvoir sans avoir engagé la moindre action. Pierre Corneille, une réalisation de Michel Sidorov. Avec Simon Duprez, Georges Clès, Jeanne Balibar, Flora Brumier, Richard Samut, Bernard Bouillon, Noël Simsolo, Laurent Natrella, Amandine Dewam, Sarah Chaumette. Amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse et je sais que je vais vous déplaire, que vous condamnerez ma curiosité. Mais je croirais vous faire une infidélité si je vous cachais rien de ce que j'entends dire de votre amour nouveau sous ce nouvel empire. On s'étonne de voir qu'un homme tel qu'Othon, Othon dont les hauts faits soutiennent le grand nom, daigne d'un Vinius se réduire à la fille, s'attache à ce consul qui ravage, qui pille, qui peut tout, je l'avoue, auprès de l'empereur, mais dont tout le pouvoir ne sert qu'à faire horreur. Et détruit, d'autant plus que plus on le voit croître, ce que l'on doit d'amour aux vertus de son maître. Ceux qu'on voit s'étonner de ce nouvel amour n'ont jamais bien conçu ce que c'est que la cour. Un homme tel que moi jamais ne s'en détache. Il n'est point de retraite ou d'ombre qui le cache. Et si du souverain la faveur n'est pour lui, il faut ou qu'il périsse, ou qu'il prenne un appui. Quand le monarque agit par sa propre conduite, mais pareil, sans péril, se rangent à sa suite, le mérite et le sang nous y font discerner. Mais quand le potentat se laisse gouverner et que de son pouvoir les grands dépositaires n'ont pour raison d'État que leurs propres affaires, ces lâches ennemis de tous les gens de cœur cherchent à nous pousser avec toute rigueur. À moins que notre adroite et prompte servitude nous dérobe aux fureurs de leur inquiétude. Sitôt que de Galba le Sénat eut fait choix, dans mon gouvernement j'en établis les lois, et je fus le premier qu'on vit au nouveau prince donner toute une armée et toute une province. Ainsi je me comptais de ses premiers suivants. Mais déjà Vinius avait pris les devants, Marcillan l'a franchi, dont tu vois les pillages, avait avec Lacus fermé tous les passages. On n'approchait de lui que sous leur bon plaisir. J'eus donc pour m'y produire un des trois à choisir. Je les voyais tous trois se hâter sous un maître qui, chargé d'un longage à peu de temps à l'être, et tous trois à l'envi s'empresser ardemment à qui dévorerait ce règne d'un moment. J'eus horreur des appuis qui restaient seuls à prendre. J'espérais quelque temps de m'en pouvoir défendre, mais quand Nymphidius, dans Rome, assassiné, fit place au favori qui l'avait condamné, que Lacus par sa mort fut préfet du prétoire, que, pour couronnement d'une action si noire, les mêmes assassins furent encore percés, Varron, Turpilian, Capiton et Massé, je vis qu'il était temps de prendre mes mesures. Qu'on perdait de Néron toutes les créatures et que, demeuré seul de toute cette cour, à moins d'un protecteur, j'aurais bientôt mon tour. Je choisis Vinius dans cette défiance. Pour plus de sûreté, j'en cherchais l'alliance. Les autres n'ont ni sœur ni fille à me donner, et d'eux, sans ce grand nœud, tout est à soupçonner. Vos vœux furent reçus. Oui, déjà l'Hyménée aurait avec Plotine uni ma destinée si ses rivaux d'État n'en savaient divertir un maître qui sans eux n'ose rien consentir. Ainsi tout votre amour n'est qu'une politique, et le cœur ne sent point ce que la bouche explique. Il ne le sentit pas, Albin, du premier jour, mais cette politique est devenue amour. Tout m'en plaît, tout m'en charme, et mes premiers scrupules près d'un si cher objet passent pour ridicules. Vinius est consul, Vinius est puissant. Il a de la naissance, et s'il est agissant, s'il suit des favoris la pente trop commune, Plotine hait en lui ses soins de sa fortune. Son cœur est noble et grand. Quoiqu'elle ait de vertu, vous devriez dans l'âme être un peu combattu. La nièce de Galba pour dot aura l'empire, et vaut bien que pour elle, à ce prix, on soupire. Son oncle doit bientôt lui choisir un époux. Le mérite et le sang font un éclat en vous qui pour y joindre encore celui du diadème. Quand mon cœur se pourrait soustraire à ce que j'aime, et que pour moi Camille aurait tant de bonté, que je dusse espérer de m'en voir écouter, si, comme tu le dis, sa main doit faire un maître, aucun de nos tyrans n'est encore là de l'être. Et ce serait tous trois les attirer sur moi, qu'aspirer sans leur ordre à recevoir sa foi. Surtout de Vinius, le sensible courage ferait tout pour me perdre après un tel outrage, et se vengerait même à la face des dieux si j'avais, sur Camille, osé tourner les yeux. Pensez-y toutefois, ma sœur est auprès d'elle. Je puis vous y servir, l'occasion est belle. Tout autre amant que vous s'en laisserait charmer. et je vous dirai plus si vous osiez l'aimer. Porte à d'autres qu'à moi cette amorce inutile. Mon cœur, tout aplotine, est fermé pour Camille. La beauté de l'objet, la honte de changer, le succès incertain, l'infaillible danger, tout fait à tes projets d'invincibles obstacles. Seigneur, en moins de rien il se fait des miracles. À ces deux grands rivaux, peut-être il serait doux d'ôter à Vinius un gendre tel que vous. Et si l'un, par bonheur, à Galba vous propose, ce n'est pas qu'après tout j'en sache aucune chose. Je leur suis trop suspect pour s'en ouvrir à moi. Mais si je vous puis dire enfin ce que j'en crois, je vous proposerai, si j'étais en leur place. Aucun d'eux ne fera ce que tu veux qu'ils fassent. Et s'ils peuvent jamais trouver quelque douceur à faire que Galba choisisse un successeur, ils voudront, par ce choix, se mettre en assurance et n'en proposeront que de leur dépendance. Je sais, mais Vinius, que j'aperçois venir. Laissez-nous seul, Albin. Je veux l'entretenir. Je crois que vous m'aimez, Seigneur, et que ma fille vous fait prendre intérêt en toute la famille. Il en faut une preuve, et non pas seulement qui consiste au devoir dont s'empresse un amant, il la faut plus solide. Il la faut d'un grand homme, d'un cœur digne, en effet, de commander à Rome. Il faut ne plus l'aimer. Quoi ? Pour preuve d'amour ? Il faut faire encore plus, Seigneur. En ce grand jour, il faut aimer ailleurs. Ah, que m'osez-vous dire ? Je sais qu'à son hymen tout votre cœur aspire. Mais elle, et vous, et moi, nous allons tous périr. Et votre change seul nous peut tous secourir. Vous me devez, Seigneur, peut-être quelque chose. Sans moi, sans mon crédit qu'à leur dessein j'oppose, Lacus et Marcillan vous auraient peu souffert. Il faut, à votre tour, rompre un coup qui me perd et qui, si votre cœur ne s'arrache à Plotine, vous enveloppera tous deux en ma ruine. Dans le plus doux espoir de mes vœux acceptés, m'ordonnez que je change, et vous-même... Écoutez, l'honneur que nous ferait votre illustre Hyménée... Des deux que j'ai nommés tient l'âme si gênée que jusqu'ici, Galba, qu'ils obsèdent tous deux, a refusé son ordre à l'effet de nos vœux. L'obstacle qu'ils y font vous peut montrer sans peine quelle est pour vous et moi leur envie et leur haine, et qu'aujourd'hui, de l'air dont nous nous regardons, ils nous perdront bientôt si nous ne les perdons. C'est une vérité qu'on voit trop manifeste, et sur ce fondement, Seigneur, je passe au reste. Galba, vieille et cassée, qui se voit sans enfant, croit qu'on méprise en lui la faiblesse des ans et qu'on ne peut aimer à servir sous un maître qui n'aura pas loisir de le bien reconnaître. Il voit de toutes parts du tumulte excité. Le soldat en Syrie est presque révolté. Vitellius avance avec la force unie des troupes de la Gaule et de la Germanie. Ce qu'il a de vieux corps le souffre avec ennui. Tous les prétoriens murmurent contre lui. De leur Nymphidius, l'indigne sacrifice de qui se l'immola, leur demande justice. Il le sait. Et prétend par un jeune empereur ramener les esprits et calmer leur fureur. Il espère un pouvoir ferme, plein et tranquille s'il nomme pour César un époux de Camille. Mais il balance encore sur ce choix d'un époux. Et je ne puis, Seigneur, m'assurer que sur vous. J'ai donc pour ce grand choix vanté votre courage, et Lacus à Pison a donné son suffrage. Marcillan n'a parlé qu'en termes ambigus, mais sans doute il ira du côté de Lacus, et l'unique remède est de gagner Camille. Si sa voix est pour nous, la leur est inutile, nous serons pareil nombre, et dans l'égalité, Galba pour cette nièce aura de la bonté. Il a remis exprès à tantôt d'en résoudre. De nos têtes, sur eux, détourner cette foudre. Je vous le dis encore, contre ces grands jaloux, je ne me puis, Seigneur, assurer que sur vous. De votre premier choix, quoi que je doive attendre, je vous aime encore mieux pour maître que pour gendre. Et je ne vois pour nous qu'un naufrage certain s'il nous faut recevoir un prince de leurs mains. Ah, Seigneur, sur ce point, c'est trop de confiance. C'est vous tenir trop sûr de mon obéissance. Je ne prends plus de loi que de ma passion. Plotine est l'objet seul de mon ambition. Et si votre amitié me veut détacher d'elle, la haine de Lacus me serait moins cruelle. Que m'importe après tout, si tel est mon malheur, de mourir par son ordre ou mourir de douleur ? Seigneur, un grand courage, à quelque point qu'il aime, sait toujours au besoin se posséder soi-même. Poppée avait pour vous du moins autant d'appât, et quand on vous l'ôta, vous n'en mourûtes pas. Non, Seigneur, mais Poppée était une infidèle qui n'en voulait qu'au trône et qui m'aimait moins qu'elle. Ce peu qu'elle eut d'amour ne fit du lit d'Othon qu'un degré pour monter à celui de Néron. Elle ne m'épousa qu'afin de s'y produire, d'y ménager sa place au hasard de me nuire. Aussi j'en fus banni sous un titre d'honneur, et pour ne me plus voir, on me fit gouverneur. Mais j'adore Plotine, et je règne en son âme. Nous ordonner d'éteindre une si belle flamme, c'est, je ne l'ose dire. Il est d'autres Romains, Seigneur, qui sauront mieux appuyer vos desseins. Il en est dont le cœur pour Camille soupire, et qui seront ravis de vous devoir l'empire. Je veux que cet espoir à d'autres soit permis, mais êtes-vous fort sûr qu'il soit de nos amis ? Savez-vous mieux que moi s'ils plairont à Camille ? Et croyez-vous pour moi qu'elle soit plus facile ? Pour moi, que d'autres veut ? À ne vous rien celer, sortant d'avec Galba, j'ai voulu lui parler. J'ai voulu sur ce point pressentir sa pensée. J'en ai nommé plusieurs pour qui je l'ai pressé. À leur nom, un grand froid, un front triste, un œil bas m'ont fait voir aussitôt qu'il ne lui plaisait pas. Au vôtre, elle a rougi, puis s'est mise à sourire, et m'a soudain quitté sans me vouloir rien dire. C'est à vous qui savez ce que c'est que d'aimer, à juger de son cœur ce qu'on doit présumer. Je n'en veux rien juger, Seigneur, et sans Plotine, l'amour m'est un poison, le bonheur m'assassine. Et toutes les douceurs du pouvoir souverain me sont d'affreux tourments s'il m'en coûte sa main. De tant de fermeté j'aurais l'âme ravie si cet excès d'amour nous assurait la vie. Mais il nous faut le trône ou renoncer au jour. Et quand nous périrons, que servira l'amour ? À de vaines frayeurs, un noir soupçon vous livre. Pison n'est point cruel et nous laissera vivre. Il nous laissera vivre, et je vous ai nommé, si de nous voir dans Rome il n'est point alarmé. Nos communs ennemis, qui prendront sa conduite, en préviendront pour lui la dangereuse suite. Seigneur, quand pour l'Empire on s'est vu désigné, il faut, quoi qu'il arrive, ou périr, ou régner. Le posthume Agrippa vécut peu sous Tibère. Néron n'épargna point le sang de son beau-frère, et Pison vous perdra par la même raison si vous ne vous hâtez de prévenir Pison. Il n'est point de milieu qu'en scène politique... Et l'amour est la seule où tout mon cœur s'applique. Rien ne vous a servi, Seigneur, de me nommer. Vous voulez que je règne, et je ne sais qu'aimer. Je pourrais savoir plus si l'astre qui domine me voulait faire un jour régner avec Plotine. Mais dérober son âme à de si doux appâts pour attacher sa vie à ce qu'on n'aime pas. Eh bien, si cet amour a sur vous tant de force, régnez. Qui fait des lois peut bien faire un divorce. Du trône, on considère enfin ses vrais amis, et quand vous pourrez tout, tout vous sera permis. Non pas, Seigneur, non pas. Quoique le ciel m'envoie, je ne veux rien tenir d'une honteuse voix. Et cette lâcheté qui me rendrait son cœur sentirait le tyran, et non pas l'empereur. À votre sûreté, puisque le péril presse, j'immolerai ma flamme et toute ma tendresse, et je vaincrai l'horreur d'un si cruel devoir, pour conserver le jour à qui me l'a fait voir. Mais ce qu'à mes désirs je fais de violence, fuit les honteux appâts d'une indigne espérance. Et la vertu qui dompte et bannit mon amour n'en souffrira jamais qu'un vertueux retour. Oh, que cette vertu m'apprête un dur supplice, Seigneur, et le moyen que je vous obéisse. Voyez, et s'il se peut, pour voir tout mon tourment, quittez vos yeux de père et prenez-en d'amant. L'estime de mon sang ne m'est pas interdite. Je lui vois des attraits, je lui vois du mérite. Je crois qu'elle en a même assez pour engager, si quelqu'un nous perdait, quelque autre à nous venger. Par là, nos ennemis la tiendront redoutable. Et sa perte, par là, devient inévitable. Je vois de plus, Seigneur, que je n'obtiendrai rien tant que votre œil blessé rencontrera le sien. Que le temps se va perdre en répliques frivoles. Et pour les éviter, j'achève en trois paroles. Si vous manquez le trône, il faut périr tous trois. Prévenez, attendez cet ordre à votre choix. Je m'en remets à vous de ce qui vous regarde. Mais en ma fille et moi, ma gloire se hasarde. De ses jours et des miens, je suis maître absolu, et j'en disposerai comme j'ai résolu. Je ne crains point la mort, mais je hais l'infamie d'en recevoir la loi d'une main ennemie. Et je saurai verser tout mon sang en Romain si le choix que j'attends ne me retient la main. C'est dans une heure ou deux que Galba se déclare. Vous savez l'un et l'autre à quoi je me prépare, résolvez-en ensemble. Arrêtez donc, Seigneur, et s'il faut prévenir ce mortel déshonneur, recevez-en l'exemple. Et jugez si la honte... Quoi, Seigneur, à mes yeux, une fureur si prompte? Ce noble désespoir, si digne des Romains, tant qu'ils ont du courage, est toujours en leurs mains. Et pour vous et pour moi, fût-il digne d'un temple, il n'est pas encore temps de m'en donner l'exemple. Il faut vivre. Et l'amour nous y doit obliger, pour me sauver un père et pour me protéger. Quand vous voyez ma vie à la vôtre attachée, faut-il que malgré moi votre âme effarouchée, pour m'ouvrir le tombeau, hâte votre trépas et m'avance un destin où je ne consens pas? Quand il faut m'arracher tout cet amour de l'âme, puis-je que dans mon sang en éteindre la flamme? Puis-je sans le trépas... Et vous ai-je ordonné d'éteindre tout l'amour que je vous ai donné? Si l'injuste rigueur de notre destinée ne permet plus l'espoir d'un heureux hyménée, il est un autre amour, dont les vœux innocents s'élèvent au-dessus du commerce des sens. Plus la flamme en est pure, et plus elle est durable. Il rend de son objet le cœur inséparable. Il a de vrais plaisirs dont ce cœur est charmé, et n'aspire qu'au bien d'aimer et d'être aimé. Qu'un tel épurement demande un grand courage, qu'il est, même au plus grand, d'un difficile usage. Madame, permettez que je dise à mon tour que tout ce que l'honneur peut souffrir à l'amour, un amant le souhaite, il en veut l'espérance, et se croit mal aimé s'il n'en a l'assurance. Aimez-moi toutefois sans l'attendre de moi, et ne m'enviez point l'honneur que j'en reçois. Quelle gloire applaudit au ciel de pouvoir dire que le choix de son cœur fut digne de l'Empire, qu'un héros destiné pour maître à l'univers voulut borner ses vœux à vivre dans ses fers, et qu'à moins que d'un ordre absolu d'elle-même, il aurait renoncé pour elle au diadème. Ah, qu'il faut aimer peu pour faire son bonheur, pour tirer vanité d'un si fatal honneur. Si vous m'aimiez, madame, il vous serait sensible de voir qu'à d'autres vœux mon cœur fut accessible, et la nécessité de le porter ailleurs vous aurait fait déjà partager mes douleurs. Mais tout mon désespoir n'a rien qui vous alarme. Vous pouvez perdre au ton sans verser une larme. Vous en témoignez joie, et vous-même aspirez à tout l'excès des maux qui me sont préparés. Que votre aveuglement a pour moi d'injustice. Pour épargner vos maux, j'augmente mon supplice, je souffre. Et c'est pour vous que j'ose m'imposer la gêne de souffrir et de le déguiser. Tout ce que vous sentez, je le sens dans mon âme. J'ai même des plaisirs, comme j'ai même flamme. J'ai même des espoirs, mais je sais les cacher et paraître insensible afin de moins toucher. Faites à vos désirs pareille violence. Retenez-en l'éclat, sauvez-en l'apparence. Au péril qui nous presse, immolez le dehors. Et pour vous faire aimer, montrez d'autres transports. Je ne vous défends point une douleur muette, pourvu que votre front n'en soit point l'interprète, et que de votre cœur vos yeux indépendants triomphent comme moi des troubles du dedans. Suivez, passez l'exemple, et portez à Camille un visage content, un visage tranquille, qui lui laisse accepter ce que vous offrirez, et ne démente rien de ce que vous direz. Hélas, madame, hélas, que pourrais-je lui dire? Il y va de ma vie. Il y va de l'Empire. Réglez-vous là-dessus. Le temps se perd, Seigneur. Adieu. Donnez la main mais gardez-moi le cœur. Ou si c'est trop pour moi, donnez et l'un et l'autre. Emportez mon amour et retirez le vôtre. Mais dans ce triste état, si je vous fais pitié, conservez-moi toujours l'estime et l'amitié. Et n'oubliez jamais, quand vous serez le maître, que c'est moi qui vous force et qui vous aide à l'être. Que ne m'est-il permis d'éviter par ma mort les barbares rigueurs d'un si cruel effort ? Dis-moi donc, lorsqu'Othon s'est offert à Camille, a-t-il paru contraint ? A-t-elle été facile ? Son hommage auprès d'elle a-t-il eu plein effet ? Comment l'a-t-elle pris ? Et comment l'a-t-il fait ? J'ai tout vu. Mais enfin, votre humeur curieuse à vous faire un supplice est trop ingénieuse. Quelque reste d'amour qui vous parle d'Othon, madame, oubliez-en s'il se peut jusqu'au nom. Vous vous êtes vaincue en faveur de sa gloire. Goûtez un plein triomphe après votre victoire. Le dangereux récit que vous me commandez est un nouveau combat où vous vous hasardez. Votre âme n'en est pas encore si détachée qu'il puisse aimer ailleurs sans qu'elle en soit touchée. Prenez moins d'intérêt à l'y voir réussir et fuyez le chagrin de vous en éclaircir. Je le force moi-même à se montrer volage. Et regardant son change ainsi que mon ouvrage, j'y prends un intérêt qui n'a rien de jaloux. Qu'on l'accepte, qu'il règne, et tout m'en sera doux. J'en doute, et rarement une flamme si forte souffre qu'à notre gré ses ardeurs. Que t'importe ? Laisse-m'en le hasard, et sans dissimuler, dis de quelle manière il a su lui parler. N'imputez donc qu'à vous si votre âme inquiète en ressent malgré moi quelque gêne secrète. Othon à la princesse a fait un compliment, plus en homme de cour qu'en véritable amant. Son éloquence accorte, enchaînant avec grâce l'excuse du silence à celle de l'audace, en termes trop choisis, accusait le respect d'avoir tant retardé cet hommage suspect. Ses gestes concertés, ses regards de mesure n'y laissaient aucun mot aller à l'aventure. On ne voyait que pompe en tout ce qu'il peignait. Jusque dans ses soupirs, la justesse régnait. Et suivait pas à pas un effort de mémoire qu'il était plus aisé d'admirer que de croire. Camille semblait même assez de cet avis. Elle aurait mieux goûté des discours moins suivis. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais cette défiance avait avec son cœur trop peu d'intelligence. De ses justes soupçons, ses souhaits indignés les ont tout aussitôt détruits ou dédaignés. Elle a voulu tout croire. Et quelque retenue qu'ait su garder l'amour dont elle est prévenue, on a vu, par ce peu qu'il laissait échapper, qu'elle prenait plaisir à se laisser tromper, et que si, quelquefois, l'horreur de la contrainte forçait le triste Othon à soupirer sans feinte, soudain l'avidité de régner sur son cœur imputait à l'amour ses soupirs de douleur. Et sa réponse, enfin ? Elle a paru civile, mais la civilité n'est qu'amour en Camille. Comme en Othon, l'amour n'est que civilité. Et n'a-t-elle rien dit de sa légèreté ? Rien de la foi qu'il semble avoir si mal gardée ? Elle a su rejeter cette fâcheuse idée et n'a pas témoigné qu'elle sut seulement qu'on l'eût vue pour vos yeux soupirer un moment. Mais qu'a-t-elle promis ? Que son devoir fidèle suivrait ce que Galba voudrait ordonner d'elle. Et de peur d'en trop dire et d'ouvrir trop son cœur, elle l'a renvoyé soudain vers l'empereur. Il lui parle à présent. Qu'en dites-vous, madame ? Et de cet entretien que souhaite votre âme ? Voulez-vous qu'on l'accepte ou qu'il n'obtienne rien ? Moi-même, à dire vrai, je ne le sais pas bien. Comme des deux côtés, le coup me sera rude. J'aimerais à jouir de cette incertitude. Et tiendrais à bonheur le reste de mes jours, de n'en sortir jamais et de douter toujours. Mais il faut se résoudre et vouloir quelque chose. Souffre sans m'alarmer que le ciel en dispose. Quand son ordre une fois en aura résolu, il nous faudra vouloir ce qu'il aura voulu. Ma raison cependant cède autant à l'empire. Il est de mon honneur de ne m'en pas dédire. Et soit ce grand souhait volontaire ou forcé, il est beau d'achever comme on a commencé. Mais je vois Marcillan. Que venez-vous m'apprendre ? Que de votre seul choix l'Empire va dépendre, madame. Quoi ? Galba voudrait suivre mon choix ? Non. Mais de son conseil, nous ne sommes que trois. Et si pour votre Othon vous voulez mon suffrage, je vous le viens offrir avec un noble hommage. Avec ? Avec des vœux sincères et soumis qui feront encore plus si l'espoir m'est permis. Quel vœux et quel espoir ? Cet important service qu'un si profond respect vous offre en sacrifice... Eh bien, il remplira mes désirs les plus doux. Mais pour reconnaissance, enfin, que voulez-vous ? La gloire d'être aimée. De qui ? De vous, madame. De moi-même. De vous. J'ai des yeux et mon âme... Votre âme, en me faisant cette civilité, devrait l'accompagner de plus de vérité. On n'a pas grande foi pour tant de déférence, lorsqu'on voit que la suite a si peu d'apparence. L'offre sans doute est belle, et bien digne d'un prix. Mais en le choisissant, vous vous êtes mépris. Si vous me connaissiez, vous feriez mieux paraître. Hélas, mon mal ne vient que de vous trop connaître. Mais vous-même, après tout, ne vous connaissez pas quand vous croyez si peu l'effet de vos appâts. Si vous daigniez savoir quel est votre mérite, vous ne douteriez point de l'amour qui l'excite. Othon m'en sert de preuve, il n'avait rien aimé depuis que de Poppée il s'était vu charmé. Bien que d'entre ses bras Néron l'eût enlevé, l'image dans son cœur s'en était conservée. La mort, même la mort, n'avait pu l'en chasser. À vous seul était dû l'honneur de l'effacer. Vous seul, d'un coup d'œil, emportâtes la gloire d'en faire évanouir la plus douce mémoire, et d'avoir su réduire à des nouveaux souhaits ce cœur impénétrable aux plus charmants objets. Et vous vous étonnez que pour vous je soupire. Je m'étonne bien plus que vous me l'osiez dire. Je m'étonne de voir qu'il ne vous souvient plus que l'heureux Marcillan fut l'esclave Icellu, qu'il a changé de nom sans changer de visage. C'est ce crime du sort qui m'enfle le courage. Lorsqu'en dépit de lui je suis ce que je suis, on voit ce que je vaux voyant ce que je puis. Un pur hasard sans nous règle notre naissance, mais comme le mérite est en notre puissance, la honte d'un destin qu'on vit mal assorti fait d'autant plus d'honneur quand on en est sorti. Quelque tache en mon sang que laissent mes ancêtres, depuis que nos Romains ont accepté des maîtres, ces maîtres ont toujours fait choix de mes pareils pour les premiers emplois et les secrets conseils. Ils ont mis en nos mains la fortune publique, ils ont soumis la terre à notre politique. Patrobe, Polyclète et Narcisse et Pallas ont déposé des rois et donné des états. On nous enlève au trône au sortir de nos chaînes. Sous Claude, on vit Félix, le mari de trois reines, et quand l'amour en moi vous présente un époux, vous me traitez d'esclave et d'indigne de vous. Madame, en quelque rang que vous ayez pu naître, c'est beaucoup que d'avoir l'oreille du grand maître. Vinius est consul et Lacus est préfet. Je ne suis l'un ni l'autre et suis plus en effet. Et de ces consulats et de ces préfectures, je puis, quand il me plaît, faire des créatures. Galba m'écoute enfin, et c'est être aujourd'hui, quoique sans ses grands noms, le premier d'après lui. Pardonnez donc, Seigneur, si je me suis méprise. Mon orgueil dans vos fers n'a rien qui l'autorise. Je viens de me connaître, et me vois à mon tour indigne des honneurs qui suivent votre amour. Avoir brisé ces fers fait un degré de gloire au-dessus des consuls, des préfets du prétoire. Et si de cet amour je n'ose être le prix, le respect m'en empêche, et non plus le mépris. On m'avait dit pourtant que souvent la nature gardait en vos pareils sa première teinture, que ceux de nos Césars qui les ont écoutés ont tous souillé leur nom par quelque lâcheté, et que pour dérober l'Empire à cette honte, l'univers a besoin qu'un vrai héros y monte. C'est ce qui me faisait y souhaiter Othon. Mais à ce que j'apprends, ce souhait n'est pas bon. Laissons en faire aux dieux, et faites-vous justice. D'un cœur vraiment romain, dédaignez le caprice. 100 reines à l'envie vous prendront pour époux. Félix en eut bien 3, et valait moins que vous. Madame, encore un coup, souffrez que je vous aime. Songez que dans ma main j'ai le pouvoir suprême, qu'entre Othon et Pison mon suffrage incertain suivant qu'il penchera va faire un souverain. Je n'ai fait jusqu'ici qu'empêcher l'Hyménée qui, d'Othon avec vous, eût joint la destinée. J'aurais pu hasarder quelque chose de plus. Ne m'y contraignez point à force de refus. Quand vous cédez, Othon, me souffrir en sa place, peut-être ce sera faire plus d'une grâce, car de vous voir à lui ne l'espérez jamais. Madame, enfin Galba s'accorde à vos souhaits, et j'ai tant fait sur lui que dès cette journée, de vous avec Othon, il consent l'Hyménée. Qu'en dites-vous, Seigneur ? Pourrez-vous bien souffrir, cet hymen que Lacus de sa part vient m'offrir ? Le grand maître a parlé, voudrez-vous l'en dédire ? Vous qu'on voit après lui le premier de l'Empire. Dois-je me ravaler jusque à cet époux, ou dois-je par votre ordre aspirer jusqu'à vous? Quelle énigme est ceci, madame? Sa grande âme me faisait tout à l'heure un présent de sa flamme. Il m'assurait qu'Othon jamais ne m'obtiendrait, et disait à demi qu'un refus nous perdrait. Vous m'osez cependant assurer du contraire, et je ne sais pas bien quelle réponse y faire. Comment de certains temps il fait bon s'expliquer? En d'autres, il vaut mieux ne s'y point embarquer. Grand ministre d'État, accordez-vous ensemble, et je pourrai vous dire après ce qui m'en semble. Vous aimez donc Plotine, et c'est là cette foi qui, contre Vinius, vous attachait à moi? Si les yeux de Plotine ont pour moi quelque charme, y trouvez-vous, Seigneur, quelque sujet d'alarme? Le moment bienheureux qui m'en ferait l'époux réunirait par moi Vinius avec vous. Par là, de nos 3 cœurs, l'amitié ressaisie en déracinerait et haine et jalousie. Le pouvoir de tous 3 par tous 3 affermis aurait pour nœud commun son gendre en votre ami. Et quoique contre vous il osât entreprendre... Vous seriez mon ami, mais vous seriez son gendre. Et c'est un faible appui des intérêts de cour qu'une vieille amitié contre un nouvel amour. Quoique veuille exiger une femme adorée, la résistance est vaine ou de peu de durée. Elle choisit ses temps et les choisit si bien qu'on se voit hors d'état de lui refuser rien. Vous-même, êtes-vous sûr que ce nœud la retienne d'ajouter, s'il le faut, votre perte à la mienne? Apprenez que des cœurs séparés à regret trouvent de se rejoindre aisément le secret. Othon n'a pas pour elle éteint toutes les flammes. Il sait comme au mari on arrache les femmes. Cet art sur son exemple est commun aujourd'hui, et son maître Néron l'avait appris de lui. Après tout, je me trompe ou près de cette belle... J'espère en Vinius si je n'espère en elle, et l'offre pour Othon de lui donner ma voix soudain en ma faveur emportera son choix. Quoi ? Vous nous donneriez vous-même Othon pour maître ? Et quel autre dans Rome est plus digne de l'être ? Ah, pour en être digne, il l'est. Et plus que tous, mais aussi pour tout dire, il en sait trop pour nous. Il sait trop ménager ses vertus et ses vices. Il était sous Néron de toutes ses délices. Et la Lusitanie a vu ce même Othon gouverner en César et juger en Caton. Tout favori dans Rome et tout maître en province, de lâche courtisan, il se montra grand prince. Et son âme ployant, attendant l'avenir, c'est faire également sa cour et la tenir. Sous un tel souverain, nous sommes peu de choses. Son soin jamais sur nous tout à fait ne repose. Sa main seule dépare ses libéralités. Son choix seul distribue états et dignités. Du timon qu'il embrasse, il se fait le seul guide, consulte et résout seul, écoute et seul décide. Et quoique nos emplois puissent faire du bruit, sitôt qu'il nous veut perdre, un coup d'œil nous détruit. Voyez d'ailleurs Galba, quel pouvoir il nous laisse, en quel poste sous lui nous a mis sa faiblesse. Nos ordres règlent tout. Nous donnons, retranchons. Rien n'est exécuté dès que nous l'empêchons. Comme par un de nous, il faut que tout s'obtienne, nous voyons notre cour plus grosse que la sienne. Et notre indépendance irait au dernier point si l'heureux Vinius ne la partageait point. Notre unique chagrin est qu'il nous la dispute. L'âge met cependant Galba près de sa chute. De peur qu'il nous entraîne, il faut un autre appui, mais il le faut pour nous aussi faible que lui. Il nous en faut prendre un qui, satisfait des titres, nous laisse du pouvoir les suprêmes arbitres. Pison a l'âme simple et l'esprit abattu. S'il a grande naissance, il a peu de vertu. Non de cette vertu qui déteste le crime. Sa probité sévère est digne qu'on l'estime. Elle a tout ce qui fait un grand homme de bien. Mais en un souverain, c'est peu de choses, ou rien. Il faut de la prudence, il faut de la lumière, il faut de la vigueur adroite autant que fière, qui pénètre, éblouisse et sème des appâts. Il faut 1000 vertus enfin qu'il n'aura pas. Lui-même, il nous priera d'avoir soin de l'Empire, en saura seulement ce qu'il nous plaira dire. Plus nous l'y tiendrons bas, plus il nous mettra haut. Et c'est là justement le maître qu'il nous faut. Mais, Seigneur, sur le trône élever un tel homme, c'est mal servir l'État et faire opprobre à Rome. Et qu'importe à tous deux de Rome et de l'État? Qu'importe qu'on leur voie ou plus ou moins d'éclat? Faisons nos sûretés et moquons-nous du reste. Point du bien public s'il nous devient funeste. De notre grandeur seule, ayons des cœurs jaloux. Ne vivons que pour nous et ne pensons qu'à nous. Je vous le dis encore, mettre Othon sur nos têtes, c'est nous livrer tous deux à d'horribles tempêtes. Si nous l'en voulons croire, il nous devra le tout. Mais de ce grand projet, s'il vient par nous à bout, Vinius en aura lui seul tout l'avantage. Comme il l'a proposé, ce sera son ouvrage, et la mort, ou l'exil, ou les abaissements seront pour vous et moi ses vrais remerciements. Oui, notre sûreté veut que Pison domine. Obtenez-en pour moi qu'il m'assure Plotine. Je vous promets pour lui mon suffrage à ce prix. La violence est juste après de tels mépris. Commençons à jouir par là de son empire et voyons s'il est homme à nous oser dédire. Quoi ? Votre amour toujours fera son capital des attraits de Plotine et du nœud conjugal. Eh bien, il faudra voir qui sera plus utile d'en croire. Mais voici la princesse Camille. Je vous rencontre ensemble ici fort à propos et vous laisse à tous deux vous dire 4 mots. Si j'en crois certains bruits que je ne puis vous taire, vous poussez un peu loin l'orgueil du ministère. On dit que sur mon rang vous étendez sa loi et que vous vous mêlez de disposer de moi. Nous, madame. Faut-il que je vous obéisse, moi, dont Galba prétend faire une impératrice? L'un et l'autre, c'est trop, quel respect vous est dû. Le crime en est plus grand si vous l'avez perdu. Parlez, qu'avez-vous dit à Galba, l'un et l'autre? Sa pensée a voulu s'assurer sur la nôtre, et c'est en proposer le choix d'un successeur pour laisser à l'Empire un digne possesseur. Sur ce don imprévu qu'il fait du diadème, Vinius a parlé, Lacus a fait de même. Et ne savez-vous point, et Vinius, et vous, que ce grand successeur doit être mon époux? Que le don de ma main suit ce don de l'Empire? Galba, par vos conseils, voudrait-il s'en dédire? Il est toujours le même, et nous avons parlé suivant ce qu'à tous deux le ciel a révélé. En ces occasions, lui qui tient les couronnes inspire les avis sur le choix des personnes. Nous avons cru d'ailleurs pouvoir sans attentat faire vos intérêts de ceux de tout l'État. Vous ne voudriez pas en avoir de contraire. Vous n'avez, vous ni lui, pensé qu'à vos affaires. Et nous offrir Pison, c'est assez témoigner. Le trouvez-vous, madame, indigne de régner? Il a de la vertu, de l'esprit, du courage. Il a de plus... De plus, il a votre suffrage. Et c'est assez de quoi mériter mes refus. Par respect de son sang, je ne dis rien de plus. Aimeriez-vous Othon que Vinius propose? Othon dont vous savez que Plotine dispose et qui n'aspire ici qu'à lui donner sa foi. Qu'il brûle encore pour elle ou la quitte pour moi, ce n'est pas votre affaire. Et votre exactitude se charge en ma faveur de trop d'inquiétude. Mais l'empereur consent qu'il l'épouse aujourd'hui. Et moi-même, je viens de l'obtenir pour lui. Vous en a-t-il prié? dites aussi l'envie. Un véritable ami n'attend point qu'on le prie. Cette amitié me charme, mais je dois avouer qu'Othon a jusqu'ici tout lieu de s'en louer, que l'heureux contretemps d'un si rare service... Madame... Croyez-moi, mettez bas l'artifice. Ne vous hasardez point à faire un empereur. Galba connaît l'Empire et je connais mon cœur. Je sais ce qui m'est propre, il voit ce qu'il doit faire, et quel prince à l'état est le plus salutaire. Si le ciel vous inspire, il aura soin de nous et saura sur ce point nous accorder sans vous. Si Pison vous déplaît, il en est quelques autres. N'attachez point ici mes intérêts aux vôtres. Vous avez de l'esprit, mais j'ai des yeux perçants. Je vois qu'il vous est doux d'être les tout-puissants, et je n'empêche point qu'on ne vous continue votre toute-puissance au point qu'elle est venue. Mais quant à cet époux, vous me ferez plaisir de trouver bon qu'enfin je puisse le choisir. Je m'aime un peu moi-même, et n'ai pas grande envie de vous sacrifier le repos de ma vie. Puisqu'il doit avec vous régir tout l'univers... Faut-il vous dire encore que j'ai des yeux ouverts? Je vois jusqu'en vos cœurs et m'obstine à me taire, mais je pourrais enfin dévoiler le mystère. Si l'empereur nous croit... Sans doute il vous croira. Sans doute je prendrai l'époux qu'il m'offrira. Soit qu'il plaise à mes yeux, soit qu'il me choque en l'âme. Il sera votre maître et je serai sa femme. Le temps me donnera sur lui quelque pouvoir, et vous pourrez alors vous en apercevoir. Voilà les quatre mots que j'avais à vous dire. Pensez-y. Ce courroux que Pison nous attire... Vous vous en alarmez? Laissons-la discourir, et ne nous perdons pas de crainte de périr. Vous voyez quel orgueil contre nous l'intéresse. Plus elle m'en fait voir, plus je vois sa faiblesse. Faisons régner Pison. Et malgré ce courroux, vous verrez qu'elle-même aura besoin. Ton frère te l'a dit, Albiane? Oui, madame. Galba choisit Pison, et vous êtes sa femme, ou pour en mieux parler, l'esclave de Lacus, à moins d'un éclatant et généreux refus. Et que devient Othon? Vous allez voir sa tête de vos trois ennemis affermir la conquête. Je veux dire assurer votre main à Pison et l'empire aux tyrans qui font régner son nom. Car comme il n'a pour lui qu'une suite d'ancêtres, Lacus et Marcillan vont être nos vrais maîtres. Et Pison ne sera qu'un idole sacré qu'ils tiendront sur l'autel pour répondre à leur gré. Sa probité stupide, autant comme farouche, a prononcé leurs lois à servir à sa bouche. Et le premier arrêt qu'ils lui feront donner les défera d'Othon, qui les peut détrôner. Ô Dieu, que je le plains. Il est sans doute à plaindre si vous l'abandonnez à tout ce qu'il doit craindre. Mais comme enfin la mort finira son ennui, je crains fort de vous voir plus à plaindre que lui. L'hymen sur un époux donne quelque puissance. Octavie a péri sur cette confiance. Son sang qui fume encore vous montre à quel destin peut exposer vos jours un nouveau Tigelin. Ce grand choix vous en donne à craindre deux ensemble. Et pour moi, plus j'y songe et plus pour vous je tremble. Quel remède, Albiane? Aimer et faire voir. Que l'amour est sur moi plus fort que le devoir. Songez moins à Galba qu'à Lacus qui vous brave et qui vous fait encore braver par un esclave. Songez à vos périls, et peut-être à son tour ce devoir passera du côté de l'amour. Bien que nous devions tout aux puissances suprêmes, madame, nous devons quelque chose à nous-mêmes, surtout quand nous voyons des ordres dangereux sous ces grands souverains partir d'autres que d'eux. Mais Othon, M'aime-t-il ? S'il vous aime, oh madame. On a cru que Plotine avait toute son âme. On l'a dû croire aussi, mais on s'est abusé. Autrement, Vinius l'aurait-il proposé ? Aurait-il pu trahir l'espoir d'en faire un gendre ? En feignant de l'aimer, que pouvait-il prétendre ? De s'approcher de vous et se faire en la cour un accès libre et sûr pour un plus digne amour. De Vinius par là gagnant la bienveillance, il a su le jeter dans une autre espérance et le flatter d'un rang plus haut et plus certain s'il devenait par vous empereur de sa main. Vous voyez à ses soins que Vinius s'applique en même temps qu'Othon auprès de vous s'explique. Mais à se déclarer, il a bien attendu. Mon frère, jusque-là, vous en a répondu. Tandis, tu m'as réduite à faire un peu d'avance, à consentir qu'Albin combattît son silence. Et même Vinius, dès qu'il me l'a nommé, a pu voir aisément qu'il pourrait être aimé. C'est la gêne où réduit celle de votre sorte, la scrupuleuse loi du respect qu'on leur porte. Il arrête les vœux, captive les désirs, abaisse les regards, étouffe les soupirs, dans le milieu du cœur enchaîne la tendresse. Et tel est en aimant le sort d'une princesse que, quelque amour qu'elle ait et qu'elle ait pu donner, il faut qu'elle devine et force à deviner. Quelque peu qu'on lui dit, on craint de lui trop dire. À peine on se hasarde à jurer qu'on l'admire. Et pour apprivoiser ce respect ennemi, il faut qu'en dépit d'elle, elle s'offre à demi. Voyez-vous comme Othon saurait encore se taire si je ne l'avais fait enhardir par mon frère ? Tu le crois donc qu'il m'aime ? Et qu'il lui serait doux que vous eussiez pour lui l'amour qu'il a pour vous. Hélas que cet amour croit tôt ce qu'il souhaite. En vain la raison parle, en vain elle inquiète, en vain la défiance ose ce qu'elle peut. Il veut croire et ne croit que parce qu'il le veut. Pour Plotine ou pour moi, je vois du stratagème, mais m'obstine avec joie à m'aveugler moi-même. Je plains cet abusé, et c'est moi qui la suis, peut-être, et qui me livre à d'éternels ennuis. Peut-être, en ce moment qu'il m'est doux de te croire, de ses vœux à Plotine, il assure la gloire. Peut-être... L'empereur vient ici vous trouver pour vous dire son choix et le faire approuver. S'il vous déplaît, madame, il faut de la constance. Il faut une fidèle et noble résistance. Il faut... De mon devoir, je saurai prendre soin. Allez chercher Othon pour en être témoin. Quand la mort de mes fils désola ma famille, ma nièce, mon amour vous prit dès lors pour fille, et regardant en vous les restes de mon sang, je flattais ma douleur en vous donnant leur rang. Rome qui m'a depuis chargé de son empire, quand sous le poids de l'âge à peine je respire, a vu ce même amour me le faire accepter, moins pour me soir si haut que pour vous y porter. Non que si jusque-là Rome pouvait renaître, qu'elle fût en état de se passer de maître, je ne me crusse digne en cet heureux moment de commencer par moi son rétablissement. Mais cet empire immense est trop vaste pour elle, à moins que d'une tête un si grand corps chancelle. Et pour le nom des rois, son invincible horreur s'est d'ailleurs si bien faite aux lois d'un empereur qu'elle ne peut souffrir après cette habitude ni pleine liberté, ni pleine servitude. Elle veut donc un maître, et Néron condamné fait voir ce qu'elle veut en un front couronné. Vindex, Rufus, ni moi n'avons causé sa perte. Ses crimes seuls l'ont faite et le ciel l'a soufferte pour marque au souverain qu'ils doivent par les faits répondre dignement au grand choix qu'il en fait. Jusque à ce grand coup, un honteux esclavage d'une seule maison nous faisait l'héritage. Rome n'en a repris au lieu de liberté qu'un droit de mettre ailleurs la souveraineté et laisser après moi dans le trône d'un grand homme. C'est tout ce qu'aujourd'hui je puis faire pour Rome. Prendre un si noble soin, c'est en prendre de vous. Ce maître qu'il lui faut vous est dû pour époux. Et mon zèle s'unit à l'amour paternel pour vous en donner un, digne de vous et d'elle. Jules et le grand Auguste ont choisi dans leur sang ou dans leur alliance à qui laisser ce rang. Moi, sans considérer aucun nœud domestique, j'ai fait ce choix comme eux, mais dans la République. Je l'ai fait de Pison, c'est le sang de Crassus, c'est celui de Pompée, il en a les vertus, et ces fameux héros dont il suivra la trace joindront de si grands noms aux grands noms de ma race qu'il n'est point d'Hyménée en qui l'égalité puisse élever l'Empire à plus de dignité. J'ai tâché de répondre à cet amour de père par un tendre respect qui chérit tes rêveurs, Seigneur, et je vois mieux encore par ce grand choix et combien vous m'aimez et combien je vous dois. Je sais ce qu'est Pison et quelle est sa noblesse, mais si j'ose à vos yeux montrer quelque faiblesse, quelque digne qu'il soit et de Rome et de moi, je tremble à lui promettre et mon cœur et ma foi. Et j'avouerai, Seigneur, que pour mon Hyménée, je crois tenir un peu de Rome où je suis né. Je ne demande point la pleine liberté, puisqu'elle en a mis bas l'intrépide fierté. Mais si vous m'imposez la pleine servitude, j'y trouverai comme elle un joug un peu bien rude. Je suis trop ignorante en matière d'État pour savoir quel doit être un si grand potentat. Mais Rome, dans ses murs, n'a-t-elle qu'un seul homme ? N'a-t-elle que Pison qui soit digne de Rome ? Et dans tous ces états n'en saurait-on voir deux que puissent vos bontés hasarder à mes vœux ? Néron fit aux vertus une cruelle guerre, s'il en a dépeuplé les trois parts de la terre. Et si, pour nous donner de dignes empereurs, Pison, seul avec vous, échappe à ses fureurs. Il est d'autres héros dans un si vaste empire. Il en est qu'après vous on se plairait d'élire, et qui saurait mêler sans vous faire rougir l'art de gagner les cœurs au grand art de régir. D'une vertu sauvage on craint un dur empire. Souvent on s'en dégoûte au moment qu'on l'admire, et puisque ce grand choix me doit faire un époux, il serait bon qu'il eût quelque chose de doux. Convitant sa personne également paraître les grâces d'un amant et les hauteurs d'un maître, et qu'il fût aussi propre à donner de l'amour qu'à faire ici trembler sous lui toute sa cour. Souvent un peu d'amour dans les cœurs des monarques accompagne assez bien leurs plus illustres marques. Ce n'est pas qu'après tout je pense à résister, j'aime à vous obéir, Seigneur, sans contester. Pour prix d'un sacrifice où mon cœur se dispose, permettez qu'un époux me doive quelque chose. Dans cette servitude où se plaît mon désir, c'est quelque liberté qu'un ou deux à choisir. Votre Pison peut-être aura de quoi me plaire quand il ne sera plus un mari nécessaire, et son amour pour moi sera plus assuré s'il voit à quel rival je l'aurais préféré. Ce long raisonnement dans sa délicatesse à vos tendres respects mêle beaucoup d'adresse. Si le refus n'est juste, il est doux et civil. Parlez donc et sans feinte. Othon vous plairait-il ? On me l'a proposé, qu'y trouvez-vous à dire ? Avez-vous cru d'abord indigne de l'Empire, Seigneur ? Non, mais depuis, consultant ma raison, j'ai trouvé qu'il fallait lui préférer Pison. Sa vertu plus solide et tout inébranlable nous fera, comme Auguste, un siècle incomparable, où l'autre, par Néron, dans le vice abîmé, ramènera ce luxe où sa main l'a formé et tous les attentats de l'infâme licence dont il osa souiller la suprême puissance. Othon, près d'un tel maître, a su se ménager jusqu'à ce que le temps ait pu l'en dégager. Qui sait faire sa course faite aux mœurs du prince ? Mais il fut tout à soi quand il fut en province, et sa haute vertu, par d'illustres effets, y dissipa soudain ses vices contrefaits. Chaque jour a sous vous grossi sa renommée, mais Pison n'eut jamais de charge ni d'armée, et comme il a vécu jusqu'ici sans emploi, on ne sait ce qu'il vaut que sur sa bonne foi. Je veux croire en faveur des héros de sa race qu'il en a les vertus, qu'il en suivra la trace, qu'il en égalera les plus illustres noms, mais j'en croirais bien mieux de grandes actions. Si dans un long exil il a paru sans vice, la vertu des bannis souvent n'est qu'artifice. Sans vous avoir servi, vous l'avez ramené. Mais l'autre est le premier qui vous est couronné. Dès qu'il vit deux parties, il se rangea du vôtre. Ainsi l'un vous doit tout et vous devez à l'autre. Vous prendrez donc le soin de m'acquitter vers lui. Et comme pour l'Empire il faut un autre appui, vous croirez que Pison est plus digne de Rome. Pour ne plus en douter, suffit que je le nomme. Pour Rome et son empire, après vous, je le crois. Mais je doute si l'autre est moins digne de moi. Doutez-en. Un tel doute est bien digne d'une âme qui voudrait de Néron revoir le siècle infâme et qui, voyant Coton, lui ressemble le mieux. Choisissez de vous-même et je ferme les yeux. Que vos seules bontés de tout mon sort t'ordonnent. Je me donne en aveugle à qui qu'elle me donne. Mais quand vous consultez Lacus et Marcillan, un époux de leur main me paraît un tyran. Et si j'ose tout dire en cette conjoncture, je regarde Pison comme leur créature, qui, régnant par leur ordre et leur prêtant sa voix, me forcera moi-même à recevoir leur loi. Je ne veux point d'un trône où je sois leur captive, où leur pouvoir m'enchaîne, et quoi qu'il en arrive, j'aime mieux un mari qui sache être empereur qu'un mari qui le soit et souffre un gouverneur. Ce n'est pas mon dessein de contraindre les âmes. N'en parlons plus. Dans Rome, il sera d'autres femmes à qui Pison en vain n'offrira pas sa foi. Votre main est à vous, mais l'Empire est à moi. Othon, est-il bien vrai que vous aimiez Camille ? Cette témérité m'est sans doute inutile. Mais si j'osais, Seigneur, dans mon sort adouci... Non, non, si vous l'aimez, elle vous aime aussi. Son amour près de moi vous rend de tels offices que je vous en fais don pour prix de vos services. Ainsi, bien qu'à Lacus, j'ai accordé pour vous qu'aujourd'hui de Plotine on vous verra l'époux, l'illustre et digne ardeur d'une flamme si belle m'en fait révoquer l'ordre et vous obtient pour elle. Vous m'envoyez de joie interdit et confus. Quand je me prononçais moi-même un prompt refus, que j'attendais l'effet d'une juste colère, je suis assez heureux pour ne vous pas déplaire, et loin de condamner des vœux trop élevés. Vous savez mal encore combien vous lui devez. Son cœur de telle force à votre hymen aspire que pour mieux être à vous, il renonce à l'Empire. Choisissez donc ensemble à commun sentiment des charges dans ma cour ou des gouvernements. Vous n'avez qu'à parler. Seigneur, si la princesse... Pison n'en voudra pas dédire ma promesse. Je l'ai nommé César pour le faire empereur. Vous savez ses vertus, je réponds de son cœur. Adieu. Pour observer la forme accoutumée, je le vais de ma main présenter à l'armée. Pour Camille, en faveur de cet heureux lien, tenez-vous assuré qu'elle aura tout mon bien. Je la fais dès ce jour mon unique héritière. Vous pouvez voir par là mon âme tout entière, Seigneur, et je voudrais en vain la déguiser, après ce que pour vous l'amour me fait oser. Ce que Galba pour moi prend le soin de vous dire... Quoi donc, madame, Othon vous coûterait l'Empire ? Il sait mieux ce qu'il vaut, et n'est pas d'un tel prix qu'il le faille acheter par ce noble mépris. Il se doit opposer à cet effort d'estime, où s'abaisse pour lui ce cœur trop magnanime, et par un même effort de magnanimité, rendre une âme si haute au trône mérité. D'un si parfait amour, quelles que soient les causes... Je ne sais point, Seigneur, faire valoir les choses. Et dans ce prompt succès dont nos cœurs sont charmés, vous me devez bien moins que vous ne présumez. Il semble que pour vous je renonce à l'Empire, et qu'un amour aveugle ait su me le prescrire. Je vous aime, il est vrai, mais si l'Empire est doux, je crois m'en assurer quand je me donne à vous. Tant que vivra Galba, le respect de son âge, du moins apparemment, soutiendra son suffrage. Pison croira régner, mais peut-être qu'un jour, Rome se permettra de choisir à son tour. À faire un empereur alors, quoi qu'il excite, qu'elle en veuille la race ou cherche le mérite, notre union aura des voix de tous côtés, puisque j'en ai le sang et vous les qualités. Sous un nom si fameux qui vous rend préférable, l'héritier de Galba sera considérable. On aimera ce titre en un si digne époux. Et l'Empire est à moi, si l'on me voit à vous. Ah, madame, quittez cette vaine espérance de nous voir quelque jour remettre en la balance. S'il faut que de Pison on accepte la loi, Rome, tant qu'il vivra, n'aura plus Dieu pour moi. Elle a beau murmurer contre un indigne maître, elle en souffre pour lâche ou méchant qu'il puisse être. Tibère était cruel, Caligule brutal, Claude faible, Néron en forfait sans égal. Il se perdit lui-même à force de grands crimes, mais le reste à passer pour prince légitime. Claude même, ce Claude est sans cœur et sans yeux, à peine les ouvrit qu'il devint furieux. Et Narcisse et Pallas, l'ayant mis en furie, firent sous son aveu régner la barbarie. Il régna toutefois, bien qu'il se fît haïr, jusqu'à ce que Néron se fâchât d'obéir. Et ce monstre ennemi de la vertu romaine n'a succombé que tard sous la commune haine. Parce qu'ils ont osé, jugez sur vos refus ce qu'osera Pison, gouverné par Lacus. Il aura à peine à voir, lui qui pour vous soupire, que votre hymen chez moi laisse un droit à l'Empire. Chacun sur ce penchant voudra faire sa cour, et le pouvoir suprême enhardit bien l'amour. Si Néron qui m'aimait osa m'ôter épopée, jugez, pour ressaisir votre main usurpée, quel scrupule on aura du plus noir attentat contre un rival ensemble et d'amour et d'état. Il n'est point ni d'exil, ni de Lusitanie, qui dérobe à Pison le reste de ma vie. Et je sais trop la cour pour douter un moment ou des soins de sa haine ou de l'événement. Et c'est là ce grand cœur qu'on croyait intrépide. Le péril, comme un autre, à mes yeux, l'intimide. Et pour monter au trône et pour me posséder, son espoir le plus beau n'ose rien hasarder. Il redoute Pison. Dites-moi donc, de grâce, si d'aimer en lieu même on vous a vu l'audace, si pour vous et pour lui le trône eût même à pas, êtes-vous moins rivaux pour ne m'épouser pas? À quel droit voulez-vous que cette haine cesse pour qu'il lui disputât ce trône et sa maîtresse et qu'il veuille oublier, se voyant souverain, que vous pouvez dans l'âme en garder le dessein? Ne vous y trompez plus. Il a vu dans cette âme et votre ambition et toute votre flamme et peut tout contre vous, à moins que contre lui mon hymen chez Galba vous assure un appui. Eh bien, il me perdra pour vous avoir aimé. Sa haine sera douce à mon âme enflammée, et tout mon sang n'a rien que je veuille épargner, si ce n'est que par là que vous pouvez régner. Permettez cependant à cet amour sincère de vous redire encore ce qu'il n'ose vous taire. En l'état qu'est Pison, il vous faut aujourd'hui renoncer à l'Empire, ou le prendre avec lui. Avant qu'en décider, pensez-y bien, madame. C'est votre intérêt seul qui fait parler ma flamme. Il est mille douceurs dans un grade si haut où peut-être avez-vous moins pensé qu'il ne faut. Peut-être en un moment serez-vous détrompé. Et si j'osais encore vous parler de Poppée, je dirais que sans doute elle m'aimait un peu et qu'un trône alluma bientôt un autre feu. Le ciel vous a fait l'âme et plus grande et plus belle. Mais vous êtes princesse et femme enfin comme elle. L'horreur de voir une autre au rang qui vous est dû et le juste chagrin d'avoir trop descendu presseront en secret cette âme de se rendre même au plus faible espoir de le pouvoir reprendre. Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, mais l'Empire en tout temps a de quoi les charmer. L'amour passe ou languit, et pour fort qu'il puisse être, de la soif de régner il n'est pas toujours maître. Je ne sais quel amour je vous ai pu donner, Seigneur, mais sur l'Empire, il aime à raisonner. Je l'y trouve assez fort, et même d'une force, à montrer qu'il connaît tout ce qu'il a d'amorce, et qu'à ce qu'il me dit touchant un si grand choix, il a daigné penser un peu plus d'une fois. Je veux croire avec vous qu'il est ferme et sincère, qu'il me dise seulement ce qu'il n'ose me taire, mais à parler sans fin... Ah, madame, croyez... Oui, j'en croirais Pison à qui vous m'envoyez. Et vous, pour vous donner quelque peu plus de joie, vous en croirez Plotine à qui je vous renvoie. Je n'en suis point jalouse et le dis sans courroux. Vous n'aimez que l'Empire et je n'aimais que vous. N'en appréhendez rien, je suis femme et princesse, sans en avoir pourtant l'orgueil ni la faiblesse. Et votre aveuglement me fait trop de pitié pour l'accabler encore de mon inimitié. Que je vois d'appareil, Albin, pour ma ruine. Seigneur, tout est perdu si vous voyez Plotine. Allons-y toutefois, le trouble où je me vois ne peut souffrir d'avis que d'un cœur tout à moi. Seigneur, qu'enfin je vous conseille. Je sens un trouble égal d'une douleur pareille. Et mon cœur, tout à vous, n'est pas assez à soi pour trouver un remède aux maux que je prévois. Je ne sais que pleurer. Je ne sais que vous plaindre. Le seul choix de Pison nous donne tout à craindre. Mon père vous a dit qu'il ne laisse à tous trois que l'espoir de mourir ensemble à notre choix. Et nous craignons de plus une amante irritée, d'une offre en moins d'un jour reçue et rétractée, d'un hommage où la suite a si peu répondu, et d'un trône qu'en vain pour vous elle a perdu. Pour vous, avec ce trône, elle était adorable. Pour vous, elle y renonce et n'a plus rien d'aimable. Où ne portera point un si juste courroux la honte de se voir sans l'Empire et sans vous? Honte d'autant plus grande et d'autant plus sensible qu'elle s'y promettait un retour infaillible et que sa main par vous croyait tôt regagner ce que son cœur pour vous paraissait dédaigner. Je n'ai donc à mourir. Je l'ai voulu, madame, quand je l'ai pu sans crime, en faveur de ma flamme. Et je le dois vouloir, quand votre arrêt cruel, pour mourir justement, m'a rendu criminel. Vous m'avez commandé de m'offrir à Camille. Grâce à nos malheurs, ce crime est inutile. Je mourrai tout à vous, et si pour obéir, j'ai paru mal aimé, j'ai semblé vous trahir, ma main, par ce même ordre à vos yeux enhardis, lavera dans mon sang ma fausse perfidie. N'enviez pas, madame, à mon sort inhumain, la gloire de finir, du moins en vrai romain, après qu'il vous a plu de me rendre incapable des douceurs de mourir en amant véritable. Bien loin d'en condamner la noble passion, j'y veux borner ma joie et mon ambition. Pour des moindres malheurs, on renonce à la vie. Soyez sûr de ma part de l'exemple d'Harry. J'ai la main aussi ferme et le cœur aussi grand. Et quand il le faudra, je sais comment on s'y prend. Si vous daignez, Seigneur, jusque-là vous contraindre, peut-être espérerai-je en voyant tout à craindre. Camille est irritée et se peut apaiser. Me condamneriez-vous, madame, à l'épouser? Que n'y puis-je moi-même opposer ma défense? Mais si vos jours enfin n'ont point d'autre assurance, s'il n'est point d'autre asile... Ah, courons à la mort, ou si pour l'éviter il faut nous faire effort, subissons de l'Acus toute la tyrannie, avant que me soumettre à cette ignominie. J'en saurais préférer les plus barbares coups à l'affront de me voir sans l'Empire et sans vous. Honte d'un hymen qui me rendrait infâme, puisqu'on fait pour Camille un crime de sa flamme et qu'on lui vole un trône en haine d'une foi qu'a voulu son amour ne promettre qu'à moi. Non que pour moi, sans vous, ce trône n'eût aucun charme. Pour vous, je le cherchais, mais non pas sans alarme. Et si tantôt Galba ne m'eût point dédaigné, j'aurais porté le sceptre et vous auriez régné. Vos seules volontés, mes dignes souveraines, d'un empire si vaste auraient tenu les rênes. Vos lois... C'est donc à moi de vous faire empereur. Je l'ai pu. Les moyens d'abord m'ont fait horreur. Mais je saurai la vaincre et, me donnant moi-même, vous assurer ensemble et vie et diadème. Et réparer par là le crime d'un orgueil qui vous dérobe un trône et vous ouvre un cercueil. De Marcillan pour vous, j'aurais eu le suffrage. Si j'avais pu souffrir son insolent hommage, son amour... Marcillan se connaîtrait si peu que d'oser... Il n'a pas encore éteint son feu. Et du choix de Pison, quelles que soient les causes, je n'ai qu'à dire un mot pour brouiller bien des choses. Vous vous ravaleriez jusque à l'écouter? Pour vous j'irai, Seigneur, jusque à l'accepter. Consultez votre gloire, elle saura vous dire... Qu'il est de mon devoir de vous rendre l'Empire. Qu'un front encore marqué des fers qu'il a portés... A droit de me charmer, s'il fait vos sûretés. En concevez-vous bien toute l'ignominie? Je n'en puis voir, Seigneur, à vous sauver la vie. L'épouser à ma vue, et pour comble d'ennui... Donnez-vous à Camille ou je me donne à lui. Périssons. Périssons, madame, l'un pour l'autre, avec toute ma gloire, avec toute la vôtre, pour nous faire un trépas dont les dieux soient jaloux. Rendez-vous tout à moi, comme moi tout à vous. Ou si, pour conserver en vous tout ce que j'aime, mon malheur vous obstine à vous donner vous-même, du moins de votre gloire ayez un soin égal, et ne me préférez qu'un illustre rival. J'en mourrai de douleur, mais j'en mourrai de rage si vous me préfériez un reste d'esclavage. Ah, Seigneur, empêchez que Plotine... Seigneur, vous empêcherez tout si vous avez du cœur. Malgré de nos destins la rigueur importune, le ciel met en vos mains toute notre fortune. Seigneur, que dites-vous? Ce que je viens de voir... que pour être empereur, il n'a qu'à le vouloir. Ah, Seigneur, plus d'empire, à moins qu'avec Plotine. Saisissez-vous d'un trône où le ciel vous destine, et pour choisir vous-même avec qui le remplir, à vos heureux destins aidez à s'accomplir. L'armée a vu Pison, mais avec un murmure qui semblait mal goûter ce qu'on vous fait d'injure. Galba ne l'a produit qu'avec sévérité, sans faire aucun espoir de libéralité. Il pouvait, sous l'appât d'une feinte promesse, jeter dans les soldats un moment d'allégresse, mais il a mieux aimé hautement protester qu'il savait les choisir et non les acheter. Ces hautes duretés, à contre-temps poussées, ont rappelé l'horreur des cruautés passées lorsque, d'Espagne à Rome, il sema son chemin de Romains immolés à son nouveau destin et qu'ayant de leur sang souillé chaque contrée par un nouveau carnage, il y fit son entrée. Aussi... durant le temps qu'a harangué Pison, ils ont de rang en rang fait courir votre nom. 4 des plus ailés sont venus me le dire et m'ont promis pour vous les troupes et l'Empire. Courez donc à la place où vous les trouverez. Suivez-les dans leur camp et vous en assurez. Un temps bien pris peut tout. Et si cet astre contraire qui m'a... Sans discourir, faites ce qu'il faut faire. Un moment de séjour peut tout déconcerter, et le moindre soupçon vous va faire arrêter. Avant que de partir, souffrez que je proteste. Partez ! En empereur, vous nous direz le reste. Ce n'est pas tout, ma fille. Un bonheur plus certain, quoi qu'il puisse arriver, met l'Empire en ta main. Flatteriez-vous au ton d'une vaine chimère ? Non. Tout ce que j'ai dit n'est qu'un rapport sincère. Je crois te voir régner avec ce cher Othon. Mais n'espère pas moins du côté de Pison. Galba te donne à lui. Piqué contre Camille, dont l'amour a rendu son projet inutile, il veut que cet hymen, punissant ses refus, réunisse avec moi Marcillan et Lacus et trompe heureusement les présages sinistres de la division qu'il voit en ses ministres. Ainsi, des deux côtés, on combattra pour toi. Le plus heureux des chefs t'apportera sa foi. S'empare à ses périls, tu l'auras à sa gloire, et verras à tes pieds l'une ou l'autre victoire. Quoi, mon cœur par vous-même à ce héros donné pourrait ne l'aimer plus s'il n'est point couronné. Et s'il faut qu'à Pison son mauvais sort nous livre, pour ce même Pison je pourrais vouloir vivre. Si nos communs souhaits ont un contraire effet, tu te peux faire encore l'effort que tu t'es fait et qui vient de donner Othon au diadème pour régner à son tour peut se donner soi-même. Si pour le couronner j'ai fait un noble effort, dois-je en faire un honteux pour jouir de sa mort ? Je me privais de lui sans me vendre à personne. Et vous voulez, Seigneur, que son trépas me donne ? Que mon cœur, entraîné par la splendeur du rang, vole après une main fumante de son sang ? Et que de ses malheurs triomphants et ravis, je sois l'infâme prix d'avoir tranché sa vie ? Non, Seigneur, nous aurons même sort aujourd'hui. Vous me verrez régner ou périr avec lui. Ce n'est qu'à l'un des deux que tout ce cœur aspire. Que tu vois mal encore ce que c'est que l'Empire. Si deux jours seulement tu pouvais l'essayer, tu ne croirais jamais le pouvoir trop payé. Et tu verrais périr 1000 amants avec joie s'il fallait tout leur sang pour t'y faire une voie. Aime Othon si tu peux t'en faire un sûr appui, mais s'il en est besoin, aime-toi plus que lui. Et sans t'inquiéter où fondra la tempête, laisse aux dieux à leur choix écraser une tête. Prends le sceptre aux dépens de qui succombera et règne sans scrupule avec qui règnera. Que votre politique a d'étranges maximes. Mon amour, s'il l'osait, y trouverait des crimes. Je sais aimer, Seigneur, je sais garder ma foi. Je sais pour un amant faire ce que je dois. Je sais à son bonheur m'offrir en sacrifice et je saurai mourir si je vois qu'il périsse. Mais je ne sais point l'art de forcer ma douleur à pouvoir recueillir les fruits de son malheur. Tiens pourtant l'âme prête à le mettre en usage. Change de sentiment ou du moins de langage. Et pour mettre d'accord ta fortune et ton cœur, souhaite pour l'amant et te garde au vainqueur. Adieu. Je vois entrer la princesse Camille. Quelque trouble où tu sois, montre une âme tranquille. Profite de sa faute et tiens l'œil mieux ouvert au vif et doux éclat du trône qu'elle perd. Agrirez-vous, madame, fidèle service dont je viens faire hommage à mon impératrice? Je crois n'avoir pas droit de vous en empêcher. Mais ce n'est pas ici qu'il vous la faut chercher. Lorsque Galba vous donne à Pison pour épouse... Il n'est pas encore temps de vous en voir jalouse. Si j'aimais toutefois ou l'Empire ou Pison, je pourrais déjà l'être avec quelque raison. Et si j'aimais, madame, ou Pison ou l'Empire, j'aurais quelque raison de ne m'en pas dédire. Mais votre exemple apprend au cœur comme le mien qu'un généreux mépris, quelquefois, leur sied bien. Quoi ? L'Empire et Pison n'ont rien pour vous d'aimable ? Ce que vous dédaignez, je le tiens méprisable. Ce qui plaît à vos yeux, aux miens, semble aussi doux, tant je trouve de gloire à me régler sur vous. Donc, si j'aimais Othon ? Je l'aimerais de même, si ma main avec moi donnait le diadème. Ne peut-on sans le trône être digne de lui ? Je m'en rapporte à vous, qu'il aime d'aujourd'hui. Vous pouvez mieux qu'un autre en dire des nouvelles. Et comme vos ardeurs ont été mutuelles, votre exemple ne laisse à personne à douter qu'à moins de la couronne, on peut le mériter. Mon exemple ne laisse à douter à personne qu'il pourra vous quitter à moins de la couronne. Il a trouvé sans elle, à vos yeux, tant d'appât. Toutes les passions ne se ressemblent pas. En effet, vous avez un mérite si rare. Mérite à part, l'amour est quelquefois bizarre. Selon l'objet divers, le goût est différent. Aux unes on se donne, aux autres on se vend. Qui connaissait Othon pouvait à l'appareil m'en donner en ami un avis à l'oreille. Et qu'il estime assez pour l'élever si haut, peut quand il lui plaira m'apprendre ce qu'il vaut, afin que si mes feux ont ordre de renaître. J'en ai fait quelque estime avant que le connaître, et vous l'ai renvoyé dès que je l'ai connu. Qui vient de votre part est toujours bienvenu. J'accepte le présent, et crois pouvoir sans honte, l'ayant de votre main, en tenir quelque compte. Pour vous rendre son âme, il vous est venu voir ? Pour négliger votre ordre, il sait trop son devoir. Il vous a tôt quitté, et son ingratitude... Vous met-elle, madame, en quelque inquiétude ? Non, mais j'aime à savoir comment on m'obéit. La curiosité, quelquefois, nous trahit. Et par un demi-mot que du cœur elle tire, souvent elle ne dit plus qu'elle ne pense dire. La mienne ne dit pas tout ce que vous pensez. Sur tout ce que je pense, elle s'explique assez. Souvent trop d'intérêt que l'amour force à prendre, entend plus qu'on ne dit et qu'on ne doit entendre. Si vous saviez quel est mon plus ardent désir... D'Othon et de Pison, je vous donne à choisir. Mon peu d'ambition vous rend l'un avec joie, et pour l'autre, s'il faut que je vous le renvoie, mon amour, je l'avoue, en pourra murmurer. Mais vous savez qu'au vôtre, il aime à déférer. Je pourrais me passer de cette déférence. Sans doute, et toutefois, si j'en crois l'apparence. Prisons-la. Ce discours deviendrait ennuyeux. Marcillon, que je vois, vous entretiendra mieux. Agréez ma retraite et souffrez que j'évite un esclave insolent, de qui l'amour m'irrite. Ah, ce qu'elle me dit, Marcillon, vous l'aimez? Malgré ses fiers mépris, mes yeux en sont charmés. Cependant, pour l'Empire, il est à vous encore. Galba s'est laissé vaincre et Pison vous adore. De votre haut crédit, c'est donc un pur effet. Ne désavouez point ce que mon zèle a fait. Mes soins de l'empereur ont fléchi la colère et renvoyé Plotine obéir chez son père. Notre nouveau César la voulait épouser, mais j'ai su le résoudre à s'en désabuser. Et Galba, que le sang presse pour sa famille, permet à Vinius de mettre ailleurs sa fille. L'un vous rend la couronne et l'autre tout son cœur. Voyez mieux qu'elle en est la gloire et la douceur, quelle félicité vous vous étiez ôté par une aversion un peu précipitée. Et pour vos intérêts, daignez considérer... Je vois quelle est ma faute et puis la réparer. Mais je veux, car jamais on ne m'a vu ingrate, que ma reconnaissance auparavant éclate et n'accorderai rien qu'on ne vous fasse heureux. Vous aimez, dites-vous, cet objet rigoureux, et Pison dans sa main ne verra point la mienne qu'il n'ait réduit Plotine à vous donner la sienne. Si pourtant le mépris qu'elle fait de vos feux ne vous a pu contraindre à former d'autres vœux. Madame, l'hymen a de si douces chaînes qu'il lui faut peu de temps pour calmer bien des haines. Et du moins mon bonheur saurait avec éclat vous venger de Plotine et punir un ingrat. Je l'avais préféré, cet ingrat, à l'Empire. Je l'ai dit, t'es trop haut pour m'en pouvoir dédire. Et l'amour qui m'apprend le faible des amants unit vos plus doux vœux à mes ressentiments pour me faire ébaucher ma vengeance en Plotine et l'achever bientôt par sa propre ruine. Ah, si vous la voulez, je sais, des bras tout près, et j'ai tant de chaleur pour tous vos intérêts. Ah, que c'est me donner une sensible joie. Ces bras que vous m'offrez, faites que je les voie. Que je leur donne l'ordre et prescrive le temps. Je veux qu'aux yeux d'Othon vos désirs soient contents, que lui-même il ait vu l'hymen de sa maîtresse livrer entre vos bras l'objet de sa tendresse, qu'il ait ce désespoir avant que de mourir. Après, à son trépas, vous me verrez courir. Jusque-là, gardez-vous de rien faire entreprendre. Du pouvoir qu'on me rend, vous devez tout attendre. Allez vous préparer à ces heureux moments, mais n'exécutez rien sans mes commandements. Vous voulez perdre Othon, vous le pouvez, madame. Que tu pénètres mal dans le fond de mon âme. De son lâche rival voyant le noir projet, j'ai su par cette adresse en arrêter les faits, m'en rendre la maîtresse. Et je serai ravie s'il peut savoir les soins que je prends de sa vie. Va me chercher ton frère, et fais que de ma part, il apprenne par lui ce qu'il court de hasard, à quoi va l'exposer son aveugle conduite, et qu'il n'est plus pour lui de salut. Quand la fuite, c'est tout ce qu'à l'amour peut souffrir mon courroux. Du courroux à l'amour, le retour serait doux. Ah, madame, apprenez quel malheur nous menace. 15 ou 20 révoltés au milieu de la place viennent de proclamer Othon pour empereur. Et de leur insolence, Othon n'a point d'horreur, lui qui sait qu'aussitôt ces tumultes avortent. Ils le mènent au camp, ou plutôt ils l'y portent. Et ce convoi de peuple autour d'eux s'amasser frémit de leur audace et les laisse passer. L'empereur le sait-il? Oui, madame, il vous mande. Et pour un prompt remède à ce qu'on appréhende, Pison de ses mutins va courir sur les pas avec ce qu'on pourra lui trouver de soldats. Puisqu'Othon veut périr, consentons qu'il périsse. Allons presser Galba pour son juste supplice. Du courroux à l'amour, si le retour est doux, on repasse aisément de l'amour au courroux. Thank you. Je vous le dis encore, redoutez ma vengeance, pour peu que vous soyez de son intelligence. On ne pardonne point en matière d'État. Plus on chérit la main, plus on est l'attentat. Et lorsque la fureur va jusqu'au sacrilège, le sexe ni le sang n'ont point de privilège. Cet indigne soupçon serait bientôt détruit, si vous voyiez du crime où doit aller le fruit. Othon, pour qui Plotine au fond du cœur soupire. Othon, qui me dédaigne à moins que de l'Empire, s'il en fait sa conquête et vous peut détrôner, laquelle de nous deux voudra-t-il couronner? Pourrais-je de Pison conspirer la ruine qui, m'arrachant du trône, y porterait Plotine? Croyez mes intérêts, si vous doutez de moi, et sur de tels garants, assurez de ma foi. Tournez sur Vinius toute la défiance dont veut ternir ma gloire une injuste croyance. Vinius, par son zèle, est trop justifié. Voyez ce qu'en un jour il m'a sacrifié. Il m'offre autant pour vous qu'il souhaitait pour gendre. Je le rends à sa fille, il aime à le reprendre. Je la veux pour Pison, mon vouloir est suivi. Je vous mets en sa place et l'en trouve ravi. Son ami se révolte, il presse ma colère, il donne à Marcian Plotine à ma prière. Et je soupçonnerais un crime dans les vœux d'un homme qui s'attache à tout ce que je veux. Qui veut également tout ce qu'on lui propose, dans le secret du cœur souvent veut autre chose. Et maître de son âme, il n'a point d'autre foi que celle qu'en soi-même il ne donne qu'à soi. Cet hymen toutefois est l'épreuve dernière d'une foi toujours pure, inviolable, entière. Vous verrez à l'effet comment elle agira, Seigneur, et comment enfin Plotine obéira. Sûr de sa résistance et se flattant, peut-être, de voir bientôt ici son cher Othon, le maître. Dans l'état où pour vous il a mis l'avenir, il promet aisément plus qu'il ne veut tenir. Le devoir désunit l'amitié la plus forte, mais l'amour aisément sur ce devoir l'emporte. Et son feu, qui jamais ne s'éteint qu'à demi, intéresse une amante autrement qu'un ami. J'aperçois Vinius, qu'on m'amène sa fille. J'en punirai le crime en toute la famille, si jamais je puis voir par où n'en point douter. Mais aussi, jusque-là, j'aurais tort d'éclater. Je vois d'ailleurs Lacus. Eh bien, quelle nouvelle! Qu'apprenez-vous tous deux du camp de nos rebelles? Que ceux de la marine et les Illyriens se sont avec chaleur joints aux prétoriens, et que des bords du Nil, les troupes rappelées, seules par leur fureur, ne sont point ébranlées. Tous ces mutins ne sont que des simples soldats. Aucun des chefs ne trempe en leurs vains attentats. Ainsi, ils ne craignent rien d'une masse d'armées où déjà la discorde est peut-être allumée. Sitôt qu'on y saura que le peuple à grand cri veut que de ses complots les auteurs soient proscrits, que du perfide Othon il demande la tête, la consternation calmera la tempête. Et vous n'avez, Seigneur, qu'à vous y faire voir pour rendre d'un coup d'œil chacun à son devoir. Irons-nous, Vinius, hâter par ma présence l'effet d'une si douce et si juste espérance? Ne hasardez, Seigneur, que dans l'extrémité, le redoutable effet de votre autorité. Alors qu'il réussit, tout fait jour, tout lui cède, mais aussi quand il manque, il n'est plus de remède. Il faut, pour déployer le souverain pouvoir, sûreté tout entière ou profond désespoir. Et nous ne sommes pas, Seigneur, à ne rien feindre, en état d'oser tout, non plus que de tout craindre. Si l'on court au grand crime avec avidité, laissez-en ralentir l'impétuosité. D'elle-même, elle avorte, et la peur des supplices arme contre le chef ses plus zélés complices. Un salutaire avis agite avec lenteur. Un véritable prince agite avec hauteur, et je ne conçois point cet avis salutaire quand on couronne Othon de le regarder faire. Si l'on court au grand crime avec avidité, il en faut réprimer l'impétuosité avant que les esprits qu'un juste effroi balance s'y puissent enhardir sur notre nonchalance et prennent le dessus de ces conseils prudents dont on cherche l'effet quand il n'en est plus temps. Vous détruirez toujours mes conseils par les vôtres. Le seul ton de ma voix vous en inspire d'autres. Et tant que vous aurez ce rare et haut crédit, je n'aurai qu'à parler pour être contredit. Pison, dont l'heureux choix est votre digne ouvrage, ne serait que Pison s'il eût eu mon suffrage. Vous n'avez soulevé Marcian contre Othon que parce que ma bouche a proféré son nom, et verriez comme un autre une preuve assez claire de combien votre avis est le plus salutaire si vous n'aviez fait vœu d'être jusqu'au trépas l'ennemi des conseils que vous ne donnez pas. Et vous, l'ami d'Othon, c'est tout dire. Et peut-être qui le voulait pour gendre et l'a choisi pour maître ne fait encore de vœux qu'en faveur de ce choix, pour l'avoir et pour maître et pour gendre à la fois. J'étais l'ami d'Othon et le tenais à gloire jusqu'à l'indignité d'une action si noire que d'autres nommeront l'effet du désespoir où là, malgré mes soins, plongeait votre pouvoir. Je l'ai voulu pour gendre et choisi pour l'Empire. À l'un ni l'autre choix, vous n'avez pu souscrire. Par là, de tout l'état, le bonheur s'agrandit et vous voyez aussi comme il vous applaudit. Qu'un prince est malheureux quand de ceux qui l'écoutent le zèle cherche à prendre une diverse route, et que l'attachement qu'ils ont au propre sens pousse jusqu'à l'aigreur des conseils différents. Ne me trompais-je point? Et puis je nomme zèle cette haine à tous deux obstinément fidèles qui peut être en dépit des maux qu'elle prévoit, seule en mes intérêts se consulte et se croit. Faites mieux. Et croyez en ce péril extrême, vous que Lacus me sert, vous que Vinius m'aime. Ne haïssez qu'Othon, et songez qu'aujourd'hui, vous n'avez à parler tous deux que contre lui. J'ose donc vous redire, en serviteur sincère, qu'il fait mauvais pousser tant de gens en colère, qu'il faut donner au bon pour s'entre-soutenir le temps de se remettre et de se réunir, et laisser au méchant celui de reconnaître quelle est l'impiété de se prendre à son maître. Pison peut cependant amuser leur fureur, de vos ressentiments leur donner la terreur, y joindre avec adresse un espoir de clémence au moindre repentir d'une telle insolence. Et s'il vous faut enfin aller à son secours, ce qu'on veut à présent, on le pourra toujours. J'en doute, et crois parler en serviteur sincère, moi qui n'ai point d'amis dans le parti contraire. Attendrons-nous, Seigneur, que Pison repoussé nous vienne ensevelir sous l'état renversé, qu'on descende dans la place en bataille rangée, qu'on tienne en ce palais votre cour assiégée, que jusqu'au Capitole Othon aille à vos yeux de l'Empire usurpé rendre grâces aux dieux, et que le front paré de votre diadème ce traître trop heureux ordonne de vous-même. Allons, allons, Seigneur, les armes à la main, soutenir le Sénat et le peuple romain. Cherchons aux yeux d'Othon un trépas à leur tête, pour lui plus odieux et pour nous plus honnête. Et par un noble effort, allons lui témoigner. Eh bien, ma nièce, eh bien, est-il doux de régner? Est-il doux de tenir le timon d'un empire pour en voir les soutiens toujours se contredire? Plus on voit aux avis de contrariété, plus à faire un bon choix on reçoit de clarté. C'est ce que je dirais si je n'étais suspecte. Mais je suis à Pison, Seigneur, et vous respecte, et ne puis toutefois retenir ces deux mots que si l'on m'avait cru, on serait en repos. Plotine qu'on amène aura même pensé d'une vive douleur, elle paraît blessée. Je ne m'en défends point, madame. Othon est mort. De quiconque entre ici, c'est le commun rapport. Et son trépas pour vous n'aura pas tant de charme, qu'à vos yeux comme aux miens, il n'en coûte des larmes. Était-elle vraie utile ou m'en flattais-je en vain? Seigneur, le bruit est grand, et l'auteur incertain. Tous veulent qu'il soit mort, et c'est la voie publique. Mais comment et par qui, c'est ce qu'aucun n'explique. Allez, allez, Lacus, vous-même prendre soin de nous en faire voir un assuré témoin. Et si de ce grand coup l'auteur se peut connaître? Qu'on ne le cherche plus, vous le voyez paraître. Seigneur, c'est par sa main qu'un rebelle punit. Par celle d'Atticus, ce grand trouble a fini. Mon zèle l'a poussé, et les dieux l'ont conduite. Et c'est à vous, Seigneur, d'en arrêter la suite, d'empêcher le désordre et borner les rigueurs où contre des vaincus s'emportent des vainqueurs. Courons-y. Cependant, consolez-vous, Plotine, ne pensez qu'à l'époux que mon choix vous destine. Vinius vous le donne et vous l'accepterez quand vos premiers soupirs seront évaporés. C'est à vous, Marcian, que je la laisse en garde, comme c'est votre main que son hymen regarde. Ménagez son esprit et ne l'aigrissez pas. Vous pouvez, Vinius, ne suivre point mes pas et la vieille amitié, pour peu qu'il vous en reste. Ah, c'est une amitié, Seigneur, que je déteste. Mon cœur est tout à vous et n'a point eu d'amis qu'autant qu'on les a vus à vos ordres soumis. Suivez, mais gardez-vous de trop de complaisance. L'entretien des amants est toute autre présence. Madame, et je retourne en mon appartement, rendre grâces aux dieux d'un tel événement. Allez-y, renfermez des pleurs qui vous échappent. Les désastres d'Othon ainsi que moi vous frappent. Et si l'on avait cru vos souhaits les plus doux, ce grand jour le verrait couronner avec vous. Voilà. Voilà le fruit de m'avoir trop aimé. Voilà quel est l'effet. C'est votre âme enflammée. Vil esclave, est-ce à toi de troubler ma douleur? Est-ce à toi de vouloir adoucir mon malheur? À toi, de qui l'amour m'ose en offrir un pire? Il est juste d'abord qu'un si grand cœur soupire. Mais il est juste aussi de ne pas trop pleurer une perte facile et prête à réparer. Il est temps qu'un sujet à son prince fidèle remplisse heureusement la place d'un rebelle. Un monarque le veut, un père en est d'accord. Vous devez pour tous deux vous faire un peu d'effort et bannir de ce cœur la honteuse mémoire d'un amour criminel qui souille votre gloire. Lâche, tu ne vaux pas que pour te démentir, je daigne m'abaisser jusqu'à te repartir. Tais-toi. Laisse en repos une âme possédée d'une plus agréable encore que triste idée. N'interromps plus mes pleurs. Tournez vers moi les yeux. Après la mort d'Othon, que pouvez-vous de mieux? Quelqu'insolent espoir, qu'est ta folle arrogance! Apprends que j'en saurais punir l'extravagance, et percer de ma main ou ton cœur ou le mien, plutôt que de souffrir cet infâme lien. Connais-toi si tu peux, ou connais-moi. De grâce, souffrez. De me parler, tu prends aussi l'audace. Assassin d'un héros que je verrais sans toi donner des lois au monde, et les prendre de moi. Toi, dont la main sanglante au désespoir me livre. Si vous aimez Othon, madame, il va revivre. Et vous verrez longtemps sa vie en sûreté s'il ne meurt que des coups dont je me suis vanté. Othon vivrait encore? Il triomphe, madame. Et maître de l'État comme vous de son âme, vous l'allez bientôt voir lui-même à vos genoux, vous faire offre d'un sort qu'il n'aime que pour vous, et dont sa passion dédaignerait la gloire si vous ne vous faisiez le prix de sa victoire. L'armée, à son mérite, enfin a fait raison. On porte devant lui la tête de Pison. Et Camille tient mal ce qu'elle vient de dire, ou rend grâce pour vous aux dieux d'un autre empire, et fatigue le ciel par des vœux superflus en faveur d'un parti qu'il ne regarde plus. Exécrable ainsi donc ta promesse frivole! Qui promet de trahir peut manquer de parole. Si je n'eusse promis ce lâche assassinat, un autre par ton ordre commis l'attentat. Et tout ce que j'ai dit n'était qu'un stratagème pour livrer en ses mains Lacus et Galba même. Galba n'a rien à craindre, on respecte son nom. Et ce n'est que sous lui que veut régner Othon. Quant à Lacus et toi, je vois peu d'apparence que vos jours à tous deux soient en même assurance, si ce n'est que madame ait assez de bonté pour fléchir un vainqueur justement irrité. Autour de ce palais, nous avions deux cohortes qui déjà, pour Othon, en ont saisi les portes. J'y commande, madame, et mon ordre aujourd'hui est de vous obéir et m'assurer de lui. Qu'on l'emmène, soldat, il blesse ici la vue. Fût-il jamais disgrâce aux dieux plus imprévus? Je me trouble et ne sais par quel pressentiment mon cœur n'ose goûter ce bonheur pleinement. Il semble avec chagrin se livrer à la joie. Et bien qu'en ses douceurs mon déplaisir se noie, je ne passe de l'une à l'autre extrémité qu'avec un reste obscur d'esprit inquiété. Je sens... Mais que me veut Flavie épouvantée? Vous dire que du ciel la colère irritée, ou plutôt du destin, la jalouse fureur. Aurait-il mis Othon au fer de l'empereur? Et dans ce grand succès, la fortune inconstante aurait-elle trompé notre plus douce attente? Othon est libre, il règne, et toutefois, hélas. Serait-il si blessé qu'on craignit son trépas? Non, partout à sa vue, on a mis bas les armes. Mais enfin, son bonheur vous va coûter des larmes. Explique, explique donc ce que je dois pleurer. Vous voyez que je tremble à vous le déclarer. Le mal est-il si grand? D'un balcon chez mon frère. J'ai vu. Que ne peut-on, madame, vous le taire? Ou qu'à voir ma douleur, n'avez-vous deviné que Vinius... Eh bien ? Vient d'être assassiné. Juste ciel. De Lacus, l'inimitié cruelle. Oh, d'un trouble inconnu présage trop fidèle. Lacus. C'est de sa main que par ce coup fatal. Tous deux près de Galba marchaient d'un pas égal. Lorsque, tournant ensemble à la première rue, ils découvrent Othon, maître de l'avenue. Cet effroi ne les fait reculer quelques pas que pour voir ce palais saisi par vos soldats. Et Lacus, aussitôt étincelant de rage, de voir qu'Othon partout leur ferme le passage, lance sur Vinius un furieux regard, l'approche sans parler, et tirant un poignard... Le traître, hélas, Flavie, où me vois-je réduite? Vous m'entendez, madame, et je passe à la suite. Ce lâche sur Galba portant même fureur, « Mourez, Seigneur, dit-il, mais mourez, empereur, et recevez ce coup comme un dernier hommage que doit à votre gloire un généreux courage. » Galba tombe et ce monstre, enfin s'ouvrant le flanc, mêle un sang détestable à leur illustre sang. En vain, le triste Othon, à cet affreux spectacle, précipite ses pas pour y mettre un obstacle. Tout ce que peut l'effort de ce cher conquérant, c'est de verser des pleurs sur Vinius mourant, de l'embrasser tout mort. Mais le voilà, madame, qui vous fera mieux voir les troubles de son âme. Madame, savez-vous les crimes de Lacus ? J'apprends en ce moment que mon père n'est plus. Fuyez, Seigneur, fuyez un objet de tristesse. D'un jour si beau pour vous, goûtez mieux l'allégresse. Vous êtes empereur, épargnez-vous l'ennui de voir qu'un père... Hélas, je suis plus mort que lui. Et si votre bonté ne me rend une vie, qu'en lui perçant le cœur, un traître m'a ravi. Je ne reviens ici qu'en malheureux amant, faire hommage à vos yeux de mon dernier moment. Mon amour pour vous seul a cherché la victoire. Ce même amour sans vous n'en peut souffrir la gloire et n'accepte le nom de maître des Romains que pour mettre avec moi l'univers en vos mains. C'est à vous d'ordonner ce qui lui reste à faire. C'est à moi de gémir et de pleurer mon père. Non que je vous impute en ma vive douleur les crimes de Lacus et de notre malheur, mais enfin... Achevez, s'il se peut, en amante, nos feux... Ne pressez point un trouble qui s'augmente. Vous voyez mon devoir et connaissez ma foi. En ce funeste état, répondez-vous pour moi. Adieu, Seigneur. De grâce, encore une parole. Madame ! On vous attend, Seigneur, au Capitole. Et le Sénat encore vient exprès d'y monter pour jurer sur vos lois aux yeux de Jupiter. J'y cours, mais quel honneur, Albin, qu'on m'y destine, comme il n'aurait pour moi rien de doux sans Plotine. Souffre du moins que j'aille, en faveur de mon feu, prendre pour y courir son ordre ou son aveu, afin qu'à mon retour l'âme un peu plus tranquille, je puisse faire effort à consoler Camille, et lui jurer moi-même en ce malheureux jour une amitié fidèle au défaut de l'amour. C'était Othon de Pierre Corneille. Avec par ordre d'apparition, Simon Duprez, Othon. Laurent Natrella, Albin. Georges Clès, Vinius. Flora Brunier, Plotine. Sarah Chaumette, Flavie. Richard Samut, Martian. Bernard Bouillon, Lacus. Jeanne Balibar, Camille. Noël Simsolo, Galba. Emmanuel Lemire, Atticus. Didier Cherbuis, Rutil. Musique, extrait d'œuvre de Kaline Joachimescu. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Philippe Carminati, Éric Villenfin. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidorov.